Now that I got the blood, let me speak on this. Yeah, right? I hear a lot of kicking this bitch. Turn the music up in this motherfucker. We the other side of the track, niggas. Yeah. Alright? Method Man, Red Man, I am. Let's get it done. Yeah. Flock up that motherfucker. Flock to your block. We back live again. It's the worldwide niggas. Ladies and germs, it's pandemonium. Brick Napoleon, Dr. Meth, all in your girl fallopian. Fuck you up like a double stack Pokemon. Peek at you, you're a puss. Doc, low me in. I'm from the bricks with a real car thieves. Rock this funky joint like PRT. Tricks up my sleeve, just give me an hour. I bang two women on the Eiffel Tower. Magician, y'a tempête. Voici son compète. Pour le gastro, on ramène sur la poudrière la lumière. Celle qui régénère la base et les crimes qu'on a plus communs. Sur disque et pour la peine, face et gommain. D'entrée, le team occupe le ring comme Ali. Déjà, ça palie, s'entend le péril proche. Le cœur kaki, la plume passe en coup de purge. Phalange active, place la droite en sortie de rotative. Ressent la force vive, l'énergie de ce son où on sévit à vie. C'est le chant que nos tripes entonnent comme un choc électrique. Chaque phase touche, égo trip ou métaphorique. Blast les blasés, agressif, puissant, submersible. Vise l'esprit, fier, irascible, y'a un irréductible. Dès le départ, faut que tu comprennes. Understand that red man got a gun. And when I clock it back, fire! Somebody! Roll up, or we can throw up drinks until we throw hey, yo, up. Yo, right off the back, I want y'all to know. Que cette équipe se coule les têtes, y'a le fire dans les shows. Sans l'atmosphère, l'atmosphère, la salle rime trop. Yeah, the bigger they are, the harder they fall. I got toe cones and love songs harder than y'all. I don't fear nothing at all, frontin' it all. I even got female cops busting my ball. Don't mess with my meth, my disc in the decks. Like the clip in the tech, you're risking your neck if you're fixing the flex. Come with your best, or don't come. Name the track, I don't run. J'débarque, c'est qu'à la Starsky, c'est la guerre massive. C'est que c'est parti, esprit de panthère. Siège dans mes dits d'artistes, sans comédie ni me dire. J'connais ce business sans piller, mec averti qui me dit. J'en connais le son, tu veux ta part, mais c'est même pas. On s'offre jusqu'au sens, surpuissant. Faut que tu sentes l'aisance, rime et assonance. Fais l'effort, capte le sens, des textes à licence. Le groove frappe, grave, dès sa naissance. Mais demi-thème, demi-thème, quand demi-pâte, limite-pas même. Chacun son combat, ici le beatman. Ton flanc s'amène, et les coups crient amen. Allez sonner le gong, on serre les gamelles. Flat du non-black, non-bar, non-bar, briseur de beau-bar. Sur sol fixe, éloigne du gotha. Sur son élevé ou perd la patte, crier pour abattre. Chaque mesure qui se présente, même son doit m'abattre. Dès le départ, faut que tu comprennes. Understand that red man got a gun. And when I clock it back, fire! Somebody! Roll up, or we can throw up drinks until we throw hey, up. Yo, right off the back, I want y'all to know. Que cette équipe se coule les têtes, y'a le fire dans le show. Sans l'atmosphère, l'atmosphère, là ça rime gros. I'm an animal, a real wise guy. I don't talk, I let my boom bye bye. I shut down the club, then I hit the ab. Doctor, fix a hole like fix a flag. They yelling out, he ain't shit. Believe that when I act like my weed ain't lit. Def Jam Vendetta, JMJ forever. Rock a umbrella when I spit. Ma poésie prolifique base mes origines au rap qui horrifie la masse qui crache des orifices. La haine de la bille, comment est l'uniforme? Pas l'homme et la forme de nos rimes horripiles. Le poids des mots tue les clavicules. Les joies que l'état véhicule en laisse au régime, c'est la rage et les culs. Les traces du vécu sont les traces qu'on inflige au régime. Terroriste comme les psychiatres à coups de crime auditif. I'm hard headed, my nuts the same. I'm bringing dope back in the game. Tap your vein and get a fix. Y'all ain't really seen bomb shit. Even if you gotta inspect the deck or Hans Blitz. Meth Man, Funk Doc, and I am. Got these half naked Hollywood hoes on spy cams. Y'all know the program, get with the program. I ain't no singer, nigga, this ain't no slow jam. Ha ha! Yeah! Yeah! Wait, wait! Dès le départ, faut que tu comprennes. Understand that red man got a gun, and when I clock it back, fire! Somebody! Roll up, or we can throw up drinks until we throw hey, yo, up. Yo, right off the back, I want y'all to know. Que cette équipe se coule les têtes, y'a le fire dans le show. Sans l'atmosphère, l'atmosphère, la salle rime gros. Dès le départ, faut que tu comprennes. Understand that red man got a gun, and when I clock it back, fire! Somebody! Roll up, or we can throw up drinks until we throw hey, yo, up. Yo, right off the back, I want y'all to know. Que cette équipe se coule les têtes, y'a le fire dans le show. Somebody! Sans l'atmosphère, l'atmosphère, la salle rime gros.